طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا إخواننا مر بنا إلى الآن مرت بنا إلى الآن قاعدتان قاعدة تشمل الأسماء والصفات وقاعدة في الأسماء ما هي القاعدة الأولى؟ نوع تبي يعني للسي أيوة نعم يبقى يعني دلالة النصوص من الكتاب والسنة على ظاهرها من غير التغيير إلا إذا جاءت أدلة أخرى تفيد ذلك نعم والقاعدة في الأسماء أن الأسماء كلها حسنى أن الأسماء كلها حسنى ما معنى حسنى يا عثمان؟ نعم و ايوه و سي سا سي اكسلون مي اون افي ترادوي دون مانيير اي بالغه في الحسن غايته Donc là, il y a c'est des noms qui ont voilà, qui ont atteint l'apogée de la perfection. Des noms qui ont atteint l'apogée de la perfection. يعني هذا المعنى واستفدنا من ذلك القول فائدة أو فائدة أن ماذا أن الأسماء الحسنى ما أفادت الحسن عند الإطلاق عند الإطلاق بدون تقييد تمام On avait pris de ce court passage comme quoi les noms et attributs, les noms d'Allah qui ont atteint la perfection sont ceux qui indiquent une perfection ou qui indiquent la perfection totale sans qu'il y ait de sans qu'il soit relié à une chose d'une manière libre mutlaqan yani itlaqan tamam Et on avait évoqué que, selon l'avis le plus juste, Al-Muntaqim, Al-Huwa min Asma'illah, Al-Muntaqim, celui qui se venge. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an, Inna min al-mujrimina muntaqimun. Certes, nous sommes Il n'y a pas de mot qui traduit le mot. C'est se venger, mais en nom. Il n'y a pas en français pour dire le vengeur. Ou... Non, ça n'existe pas. Al-Muhim, on se vengera des criminels. Ça, c'est relié à un cas précis. C'est relié à... C'est pas dans la globalité. C'est hey, pour, hey, pour celui qui le mérite. Donc, on est sur la parole comme quoi المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى تمام وكذلك كل الأسماء التي بدي بذو ذو الجلال والإكرام ذو الرحمة ذو en arabe ça signifie le détenteur de quoi de la miséricorde le détenteur de quoi de al-jalal la majesté ou autre Ça, selon l'avis le plus juste, ça ne rentre pas dans les Asma Illah al-Husna. Ça ne rentre pas dans Asma Illah al-Husna. أفادني أخونا أبو عبد الله أرسل لي رسالة وأفادني بفتوى الشيخ محمد بن حزام. سئل هل النور من أسماء الله عز وجل؟ Est-ce que النور fait partie des noms d'Allah عز وجل؟ Et nous dans le dernier dars qu'on a vu, le dernier cours qu'on a pris, qu'est-ce qu'on avait dit? أن النور ليس من أسماء الله عز وجل على القول الصحيح selon la vie le plus juste. Pourquoi? Parce que on n'a aucun hadith, aucun ayat où on a le nom النور. النور ألف واللام والنون وواو ورا النور. On n'a pas ni dans le Coran ni dans la Sunna. Lakin vous avez dans le Coran نور السماوات والأرض. نور السماوات والأرض. فبعض العلماء أخذوا من هذه الآية واستنبطوا أن من أسماء الله النور وليس كما قالوا. والشيخ ابن حزام هو من الذين اختاروا أن النور من أسماء الله عز وجل. النور من أسماء الله عز وجل. و أذكر لكم هذه الفائدة الذي يستطيع أن يكتبها فبه ونعمة وإلا يأخذ التسجيل. Je vais vous lire une faïda au sujet du mot du nom An-Nour. Celui qui peut l'écrire, ça, s'il est rapide dans l'écrit, فبه ونعمة وإلا il écoutera l'audio pour qu'on aille vite parce qu'on a trois cours à prendre et je ne pourrais pas m'arrêter dans la dictée. طيب فائدة. اختلف العلماء في اسم النور. Les savants ont divergé sur le nom النور. هل هو من أسماء الله الحسنى؟ Est-ce que ce nom fait partie des noms d'Allah par excellence؟ القول الأول, la première parole, أنه من أسماء الله الحسنى لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. Et la première parole des gens de science, c'est celle qui dit que le nom An-Nur est bel et bien un nom d'Allah Azza wa Jal. Il s'appuie sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, verset 35 de Surat An-Nur. Verset 35 de Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. وأثبت ذلك إمام الأئمة. Et parmi les gens qui ont confirmé ce nom, parmi les imams des salaf qui ont confirmé ce nom, عليكم السلام, il y a إمام الأئمة. C'est qui le grand imam qui a été surnommé إمام الأئمة, l'imam des imams? Hey, أكيد. Là, l'imam Ahmed, c'est quoi son surnom? Ismail? Là, ça c'est la kunya, mais le surnom. Comment il était surnommé? Imam Ahl Sunnati wal Jama'a. Ça c'est l'imam Ahmed. Mais lorsque vous allez entendre Imam ul A'imma, là, Cheikh al-Islam, son surnom c'est Cheikh al-Islam. Mais Imam al-A'imma, c'est un imam que bon, peu d'entre vous le connaissent. Ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah. L'imam Ibn Khuzaymah. Il a un livre. C'est lui. Il fait partie des premiers livres qui ont été appelés Kitab Tawhid. Il a un livre, Kitab Tawhid. كذلك الإمام ابن مندة عنده كتاب يسماه كتاب توحيد وأدخلوا في التوحيد ما تجدونه في العقيدة. Lui il était dans l'époque des tabi'in ou tabi tabi'in, c'est-à-dire soit c'est l'époque juste après les compagnons, non je crois que c'est l'époque qui vient juste après ceux qui étaient après les compagnons. tabi'in. En gros, il est dans les Qurans al-Mufaddala. Il fait partie des trois époques de mérite. Naam. Taïb. Donc, lui, c'est-à-dire l'imam Ibn Khuzaymah, il est de l'avis que le nom An-Nur fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. ونصر ذلك القول الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. كذلك الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم. il a fortement secouru cette parole. La parole qui dit que اسم النور من أسماء الله عز وجل. Le nom النور fait partie des noms d'Allah عز وجل. والقول الثاني. Et la deuxième parole parmi les paroles des gens de science, al-qawl al-thani annahu laysa min asma'illahi al-husna. La deuxième parole, c'est celle qui dit que, qui vise à dire que an-nur, la lumière, an-nur ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. طيب سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء le comité des grands savants d'Arabie Saoudite a été questionné sur le sujet, c'est-à-dire sur le fait est-ce qu'il est permis d'appeler une personne Abd al-Nour, est-ce qu'il est permis d'appeler une personne Abd al-Nour. Hein? Donc ils ont répondu, les savants de la Lejna, comité des grands savants d'Arabie Saoudite, sous la présidence de Cheikh Al-Allama, l'imam Ibn Baz. Sous la présidence de l'imam Ibn Baz. Et ils ont répondu, ils ont dit, Fa'ajabu, Asma'ullah tawqifiyya. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont légiférés, réglementés par le kitab et la sunna. وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النُّورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Et il n'est pas confirmé que le nom النور fait partie des noms d'Allah عز وجل. وَبِنَاءَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحْ فَلَا يَصَحْ تَعْبِيدَ الْإِسْمِ لَهُ فَلَا يُقَالَ عَبْدَ النُّورِ فَلَا يُقَالَ عَبْدَ النُّورِ. Et donc, les comités des grands savants, eux, ils disent, en prenant en compte qu'il n'y a pas de preuve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle bel et bien An-Nur, alors il n'est pas permis d'appeler une personne Abd al-Nur. Taïb. Donc, celui qui veut trouver cette patwa, elle est dans le livre des fatwas du comité des grands savants, dans le tome 10 et la page 510. وقال العلامة ابن باز عليه رحمة الله النور جاء مضافا النور جاء مضافا النور في القرآن c'est un mot qui est venu attaché à un autre. تمام نور السماوات والأرض. Et nous on a vu dans le cours précédent comme quoi les noms, la vie authentique dans cette masala, c'est que les noms parfaits d'Allah sont ceux qui indiquent l'excellence d'une manière libre, etlaqan, sans qu'ils soient rattachés à quelque chose, sans qu'ils soient liés à quelque chose. Tamam? Hadha huwa al-haq fi hadhihi al-masala. Tayyib. Na'am. Wa lam ya'ti. Tayyib. قال بعد ذلك شيخ ابن باز ولم يأتي اسم الله تعالى النور. Il n'y a pas un hadith ou un ayah où le nom d'Allah, يعني le nom النور, il est venu. النور. Alif, lam, nun, waw, ra. ما هناك آية ولا حديث. فلا يسمى عبد النور. ولم يأتي ولم يأتي اسم الله تعالى النور. Donc, Cheikh Ibn Baz, conformément à l'avis du grand comité des savants d'Arabie Saoudite, ils sont de l'avis comme quoi An-Nur laysa min asma'illah. An-Nur laysa min asma'illah. Et ils ont renvoyé la parole d'Ibn al-Qayyim en disant que il n'a pas évoqué de dalil. Ma dia bi dalil. Wa Ibn al-Qayyim ya ikhwa. Ibn al-Qayyim wa l'imam al-Shawqani wa kadhalika al-Emir al-San'ani wa ghayrahum min al-ulama. Ces savants là, ils font partie de ceux que lorsqu'ils défendent un avis et qui te montrent leur position, c'est presque rare que tu vas pas pencher dans leur avis. Tellement Allah il leur a donné la force de persuasion par la parole. Naam. L'imam al-Shawqani ou l'imam Ibn al-Qayyim. Khususan. Lakin, al-ibra bid-dalil. Al-ibra bid-dalil. Wa laysa hunaka dalil yuthbit ism al-Nur. Fa akhuna Abu Abdullah lama afadana bi fatwa Sheikh Ibn Ba'a, Sheikh Ibn Hizam. قلنا هو رأيه واجتهاده لكن نحن على القول بأن النور ليس من أسماء الله عز وجل. Donc lorsque on m'a envoyé la fatwa de Cheikh Mohamed Ibn Hizab qui confirme que An-Nur fait partie des noms d'Allah عز وجل en s'appuyant sur le dalil Nour يعني الله نور السماوات والأرض تمام. Et ensuite il évoque dans la fatwa que l'imam Ibn al-Qayyim il a évoqué l'ijma', il a évoqué un ijma' sur le fait que Nour est bien le nom d'Allah عز وجل. فإذا كان صحيح, si c'est vraiment les paroles d'Ibn al-Qayyim, il faut voir c'est quoi l'ijma' qu'il a évoqué. Parce que des fois, les a'imma, ils peuvent avoir des awham. Ils peuvent se tromper lorsqu'ils rapportent l'ijma', lorsqu'ils rapportent qu'ils disent qu'il y a l'unanimité sur un point. Il faut vérifier, est-ce que véritablement il y a l'unanimité ou pas. Et comme vous le voyez, ces grands savants, comme les savants de la lejna, lejna tada'ima, fa yani min kibar al-ulama. Yani c'est presque baïd qu'ils se regroupent tous alors qu'il y a un ijma' sabiq, alors qu'il y a un consensus, l'unanimité des savants sur le fait que Nour c'est parmi les noms d'Allah. Al-Muhim, al-Ibra bid-Dalil. Et ils ont réfuté la parole d'Ibn al-Qayyim en disant qu'il n'est pas venu avec un dalil. Wa qala al-Sheikh Abdelaziz al-Rajihi أحد المشايخ في الحجاز الشيخ عبد العزيز الراجحي اللي النور صفة من صفات الله كما يليق بجلاله كما يليق بجلال الله وعظمته لكنه ورد مضافا إلى الله ولم يرد مستقلا فلا يقال أن من أسماء الله النور بإطلاق. Mafoum, pareil, lui aussi il t'explique que le mot An-Nur il est venu lié à un autre mot. Nour al-Samawat, la lumière des cieux et de la terre. La lumière des cieux et de la terre. Et il n'est pas venu d'une manière libre de toute chose. An-Nur. Ça se rendrait que c'est la lumière des cieux et de la terre, c'est la lumière de cette dunya wal akhirah. Parce que là quand tu dis lumière des cieux et de la terre, ça comprend pas forcément que c'est la lumière de l'au-delà, dar al-akhirah. Tandis que si il y aurait eu le mot nour bi alif wal lam, fa hadha yufid dhalik wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, hadi aqwal ahli al-ilm على أنه ليس من أسماء الله النور. طيب الآن الذي تسمى بهذا الاسم celui qui s'est appelé Abd al-Nour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer son nom. طيب لكن لا سيلي sur notre madhab. Il s'appelle Noor. جميل نور ها mais encore رياض يشانجو ولا يبقى على الاصل يبقى على ما هو الله اعلم يفتح توبة طيب يفتح توبة وإن كان يعني الخطأ معفو عنه الخطأ معفو عنه ها تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه هن البروفيت الزم الذي الله سبحانه وتعالى pardonné à ma communauté les erreurs les oublis et tout ce qu'ils ont été tout ce qu'ils ont fait sous la contrainte ils gardent mais ils désavouent comme Cheikh Bani s'appelle Nasr al-Din C'est ça. Cheikh Al-Albani, Nasr al-Din. Il a dit sur ce nom, comme quoi, en gros, il n'avait pas le choix, il l'a appelé comme ça, mais il désavoue. Jamil. Moi, je dis change, parce que comme c'était Abu Huraira, il avait un nom qui n'était pas. Ibn Sakhr. Abdurrahman Ibn Sakhr. تقصد ذاك الذي كان يسمى حزم جد لو غران بير دو سعيد بن المسيب صحيح ابو هريره كذلك ما كان يسمى عبد الرحمن سمي بذلك بعد غير اسمه على الصحيح واختلفوا في اسمه اصلا لكن حزن الحديث الذي فيه حزن ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا اسمه حزن لا جوختي لا غدس الذي انت سهل au lieu que tu qu'on t'appelle comme ça il a dit on va t'appeler سهل فقال لا أغير اسم سماني به أبي. Il dit je peux pas changer un nom que mon père m'a appelé par lequel mon père m'a appelé. Et donc Saïd ibn al-Musayyib qui est le petit-fils de cet homme, il dit ولا يزال الحزن فينا إلى يومنا هذا. Et la dureté, la rudesse n'a de cesse d'être dans notre famille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la directive. Il n'a pas suivi la directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a conseillé de changer de prénom. Taïb, lakin fi hadhihi al-mas'ala. La dureté, c'est qu'ils ont subi ou dans leur comportement? Ouais, dans leur comportement, ils étaient durs. Taïb. Al-waqi' anna ba'd al-ulama yaqulun. يبقى على ما هو عليه يغرسون parce que là c'est pas comme les noms Abd al-Shams Abd al-Hajar Abd al-Ka'ba ça c'est des noms qui sont obligatoires de changer c'est il a comme sens le serviteur du soleil هذا شرك le serviteur de la Ka'ba هذا شرك serviteur de la pierre comme il s'appelait certains fil jahiliya. لكن هذا لما تقول عبد النور même s'il est pas ثابت même si c'est pas confirmé que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal le but de la personne c'est Allah Azza wa Jal elle vise pas autre chose et personne ne comprend que c'est autre chose fala bas qui garde son nom malgré que c'est pas à faire c'est-à-dire la personne أقل الدرجة، même celui qui est pas de notre avis، أقل شيء il va dire c'est mushtabih. Il va dire c'est douteux. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit laisse une chose qui est douteuse pour une chose qui est sûre. C'est-à-dire prends Abdallah, prends Abdurrahman, prends Abdurrahim, prends Abdurraouf, prends Abdurlatif, prends. Il y a des gens, des noms où il y a Abd qui n'y a pas de, il n'y a pas de khilaf dessus. Tamam? Ali Faïda. Jamila. Et ça, c'est des fawaid. La tazannouna anna jami'a talaba qad fahimu dalik. C'est pas tous les toulabs qui ont compris ce genre de fawaid. Naam. Faïa Faïda. C'est une recherche que certains savants ont fait, comme Cheikh Al-Uthaymeen, comme on a évoqué les savants de l'Ajna Da'ima, pour vraiment comprendre que les Asma'illah sont les noms qui indiquent la perfection à la litla d'une manière démesurée. Il n'y a pas quelque chose qui les limite. Tamam? Naam. Donc, on avait dit que que la première qa'ida, qui c'est une qa'ida sur. On a vu qu'on était dans dans les qa'ida qui sont propres aux noms. Là, on ne rentre pas dans les sifats, on est dans les noms. Les noms d'Allah Azzawajal. On a vu que c'est qu'on allait voir plusieurs branches. Là, on a vu la première branche. La première branche, c'est que Asma'ullah kullaha husna. Les noms d'Allah, ils sont tous parfaits. La deuxième branche, qala al-far'u al-thani Asma'ullah ghayru mahsura bi'adadin mu'ayyan. Ça aussi, c'est très important. Comme quoi, les noms d'Allah, ils ne sont pas limités à un nombre précis. Ahsan. Ils ne sont pas limités à un nombre précis. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith il mashhur. Et ceci en vue du hadith connu. As'aluka Allahumma ou as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak ou anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحياة الحديث. Donc, يعني ça c'est une règle, hein, une règle dans les noms et attributs, dans les noms, comme quoi les noms ils ne sont pas limités par un nombre précis. Lorsqu'on te demande le dalil, tu évoques par exemple ce hadith. Tu évoques ce hadith qui est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je te demande, ô mon Seigneur, par tous tes noms par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à quiconque parmi ta création, ou que tu t'es gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. C'est quoi la partie du hadith qui nous intéresse? La fin. La fin. Ce que tu t'es gardé dans ce que tu t'es gardé pour toi dans la science de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait descendre et qu'il n'a pas enseigné à quiconque. Tamam, il y a des noms d'Allah Azzawajal que personne ne connaît. Donc comment on peut dire que les noms d'Allah ils sont que de 99? Et même si on viendrait à même sans ce hadith, parce que certains ont dit que le hadith il est da'if, bien que la plupart Cheikh Al-Albani est sahih wa aqal ma yakun annahu hasan, yani le hadith il est hasan, ce hadith là il est hasan, comme Cheikh Ibn Hizam il l'a évoqué aussi dans son livre Al-Mukhtar. Même s'il n'y aurait pas eu ce hadith, vous allez trouver dans le Kitab et la Sunna, yani si vous comptez, thabitatan lillahi azza wa jal. Vous allez trouver plus de 99 noms parmi les noms parfaits d'Allah azza wa jal, soit dans le Coran ou soit dans la Sunna. Taïd. Donc il y a plus de 99 noms. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Et l'accord qu'on pourrait faire entre le premier hadith qu'on a vu, qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms que l'on ne connaît pas, et l'autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari au Muslim, qui est rapporté par Al-Bukhari au Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah possède 99 noms, celui qui les retient entrera au paradis. Ça c'est un hadith sahih. Wal hadith saraha il est azim jiddan. Man ahsaha dakhala ayish al-jannah. C'est pourquoi nous avons besoin de nous à l'hifz asma Allah al-husna tahfaz minha 99. Wa hal al-maqsoud al-hifz faqat? C'est pas seulement le fait de retenir qui compte, de mémoriser les 99 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, mais c'est de les mémoriser et d'œuvrer avec ce qu'ils recèlent comme information. طيب الان عندك اسم الله الرقيب. الرقيب le celui qui surveille. Tamam. Comment tu œuvres avec ce que contient avec l'essence de ce nom? Comment tu œuvres? En craignant Allah Azza wa Jalla et en disant qu'il te voit, il sait tout. Il sait ce que tu penses, il sait ce que tu vas penser, il sait ce que tu vas faire. Il sait tout. Jamais tu te sens seul. Lahdatan wa ahidatan. Ça c'est l'œuvre, ça c'est véritablement le fait d'œuvrer avec les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. N'aim. Wa kadhalika ismullah al-ghafour. Fala ta'as. Waqa'ta fi dhanbin. تتوب إلى الله عز وجل وتطمئن وتعرف أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. Tu vois, quand tu crois au nom, par exemple le nom qu'Allah سبحانه وتعالى il est al-ghafour, pardonneur, c'est à dire si tu tombes dans un péché, il faut pas que tu désespères de la miséricorde d'Allah et que tu t'effondres dans le désespoir. Non, mais tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala avec la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui pardonne tous les péchés. Naam. C'est lui qui pardonne tous les péchés. Même si tu t'es tombé dans le même péché il y a quelques jours ou il y a quelques mois ou il y a quelques Naam. Allah subhanahu wa ta'ala la yazal yaghfir wa yatub ala man tab. Allah subhanahu wa ta'ala n'a de cesse de pardonner et d'accueillir au repentir celui qui se repent. Donc c'est une chose importante que d'apprendre les noms ou certains noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut en apprendre 99, qu'il le fasse. Ala kulli hal, le jam entre le premier hadith et ce hadith, qala inna ma'na hadha al-hadith إن من أسماء الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. Donc là ce hadith là il veut pas dire on peut pas comprendre de ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il a que 99 noms. Non, mais au contraire ce que ce hadith il indique, c'est que celui qui a appris 99 noms parmi les innombrables noms d'Allah Azza wa Jal, alors il rentrera au paradis. Ça va? Donc si quelqu'un il vient vous voir en vous disant Allah il a que 99 noms et il vous ramène le dalil, vous lui répondez أولا en lui évoquant l'autre hadith de Abdallah ibn Mas'ud et en lui disant que le but visé du hadith qu'il a ramené, c'est pas le hasr, c'est pas la limitation des noms d'Allah à 99. Non. Mais c'est juste le fait de dire que celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah, azzawajal, il entrera au paradis. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. Et en guise d'exemple sur cela, pour cela, c'est comme si tu dis j'ai 100 dirhams que j'ai préparé pour faire une aumône. Est-ce que ça sous-entend que tu n'as que 100 dirhams? Là. فهذا هو هو. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. Donc ça ne contredit pas le fait que tu peux avoir d'autres darahim que tu as préparé pour autre chose que faire une sadaqa. Tamam? Elle est simple à comprendre, cette qaida. طيب, الفرع الثالث. أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. La troisième branche, c'est que les noms d'Allah ne se confirment pas avec la raison. Tamam. Mais se confirment avec le shara. Quand on dit le shara, ça veut dire quoi? La législation, c'est-à-dire Al-Kitab al-Sunnah. Tamam. Les noms ne se confirment pas par le par la raison. Non. Oui, non, mais tout bientôt du char. Mais au contraire, ils se confirment par la législation, par le kitab et la sunna. فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيه أو فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. Donc ماذا elle dit que c'est un nom, que ces noms là ils sont tawqifiyya, ça veut dire quoi? Yani c'est pris du mot waqf, s'arrêter. C'est pour dire, c'est une indication qui montre que c'est des noms qui s'arrêtent à quoi? Qui s'arrêtent au char, voilà, kitab sunnah. C'est-à-dire, tu ne peux pas les atteindre, les concevoir avec ta raison seulement. Ou avec les paroles des gens. Non. Taïb qala, wa li anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah, aw inkar ma samma bihi nafsahu dinayatun. في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. Et aussi parce que le fait de l'appeler d'un nom que lui-même ne s'est pas appelé, ou de réfuter un nom qu'il a choisi pour lui-même, est un tort, ou il y a une jinaya. Jinaya, c'est un crime, mais... Voilà, c'est un genre de blasphème. Donc, il nous est obligatoire d'emprunter avec Allah Azza wa Jal le chemin du bon comportement et d'affirmer les noms que lui-même il s'est affirmé. Et le dernier farah qu'on va voir pour aujourd'hui, la dernière branche, ça veut dire qu'il y a quatre branches. La dernière branche, elle est aussi importante. Et elle demande aussi un peu plus de concentration. قال كل اسم من اسماء الله فانه يدل على ذات الله وعلى الصفه التي تتضمنها وعلى الاثار المترتب عليه ان كان متعديا. Donc chaque nom parmi les noms d'Allah il indique l'être d'Allah azza wa jalla. Chaque nom parmi les noms d'Allah, il indique son être. l'être d'Allah Azzawajal. Tamam. Et aussi, il indique un attribut. Tamam. Al-An, Ar-Rahman. Ar-Rahman et Uthman. Il indique quoi? L'attribut de la miséricorde. L'attribut de la miséricorde, Hassan. Et il indique aussi l'être d'Allah Azzawajal. Comme quoi, c'est Allah qu'on vise par cette parole. Tamam. Non, subhanallah. Taïb. Taïb, qala. Donc, ça indique l'être d'Allah Azzawajal ainsi que Mada, ainsi que l'attribut, et aussi ça indique le athar al-mutarattib alayh. Ça indique les effets, les conséquences. Ça indique les conséquences que ce nom va avoir pour autre. Ça indique les conséquences que ce nom va avoir pour autre. Maintenant, c'est pas pour tous les noms. C'est seulement pour les noms qui influent sur autre. Maintenant, lorsque tu dis Allah Aziz, Allah ou Al-Aziz. Al-Aziz, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azzawajal. Taïb, il indique Allah Azzawajal. Et il indique un attribut, c'est la Izzah. Et est-ce qu'il indique une conséquence pour les créatures? Non. Voilà, c'est pas parce qu'Allah il est aziz que la créature elle va être aziz. Mafou? Il y a des noms qui ont un effet pour autre, il y en a qui n'ont pas d'effet pour autre. Comme Al-Aziz, là, il n'a pas d'effet pour autre. Lakin, lorsque tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, il indique Allah Azzawajal. Et il indique aussi le sifa, l'attribut de la grande miséricorde. Et aussi, il indique que Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses serviteurs. Mafoum ? Donc toutes ces trois choses-là, elles se retrouvent dans le nom d'Allah Azzawajal. Donc en vérité, quand tu regardes bien, tu vois que tu peux prendre un attribut d'Allah à partir d'un nom. Tu peux prendre un attribut, dire que voilà, parmi les noms d'Allah, parmi les attributs d'Allah, il y a al-lutf, la douceur. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala latif. Tamam. Et est-ce que tu peux prendre d'un attribut un nom? Non. Là. Tamam. Tu peux pas prendre d'un attribut un nom. Allah subhanahu wa ta'ala yanzil ila sama'i dunya. Allah, il descend au premier cieux. Comme c'est dans le hadith de Abi Huraira. Il descend au premier cieux. Tu peux pas lire dans le hadith, tu dis ah, Allah, il descend au premier cieux. Donc le nuzul là, c'est un attribut. Donc de cet attribut, je prends un nom et je dis Allah huwa nazil. Allah est celui qui descend. Je peux pas affirmer cela. Pourquoi? Parce que les Asma Illah, ils sont tawqifiyah et on prend les noms d'Allah et on prend les noms que de ce qui est venu du Kitab et la Sunna. On ne peut pas les prendre des attributs. T'as donc ça, c'est le sens. Si vous avez compris ça, vous avez compris la qaïda. Qala, wa la yatimu l'iman bil ism illa bi ithbati dhalika kullihi. Et ça, c'est très important. La personne, elle ne sera jamais croyante au nom. Et au nom d'Allah Azzawajal, si ce n'est en confirmant la croyance en ces trois choses. Le fait que ce nom est bel et bien un nom d'Allah, le fait que ce nom contient un attribut, et le fait que ce nom a un effet. Bon, ça dépend des noms. Mais pour les noms qui ont un effet, il faut croire en cet effet. Cet effet qui découle sur le autre. Donc là, il va prendre un exemple qui concerne le nom qui n'a pas d'effet. Un nom qui n'a pas d'effet. comme Al-Azim. Al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim. قال فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما. Donc ta foi en ce nom, elle ne sera jamais parachevée jusqu'à ce que tu crois que c'est véritablement un nom parmi les noms d'Allah qui indique l'être d'Allah Azza wa Jal et qui sous-entend un sifat, qui sous-entend un attribut. C'est quoi l'attribut là? Al-Azama. La grandeur. Tamam. Wa na'am, wa hiya al-Azama. Tayyib qala wa mithalu dhalika fi al-muta'addi ar-Rahman. Et là il prend un exemple d'un nom qui a un effet. Il dit fala yatimmu al-iman bihi hatta tu'min بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من آثار وهو إنه يرحم من يشاء. Donc la croyance de la personne ne sera véritablement pas confirmé jusqu'à ce que l'homme croit que ce nom indique l'être d'Allah ainsi que un attribut qui est la miséricorde et ainsi que un effet qui n'est autre que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à celui qu'il veut. Mafhoum? Hada huwa ad-dars.